Bonsoir tout le monde, les commissaires de course en cette intersaison 2019-2020, quand il n'y a plus du cyclisme, il y en a encore. Alors, pour cette émission, eh bien, c'est une série, on va parler des équipes françaises de 2020. Et on va commencer aujourd'hui par la team Arkéa Samsic. Alors, avec moi, pour en parler, il y a Greg. Bonsoir Greg. Salut tout le monde. Mathieu également, bonsoir Mathieu. Bonsoir tout le monde. Et enfin Charles, bonsoir Charles. Salut Ben et bonsoir à tous. Alors, ben, Arkéa Samsic, c'est une équipe qui déçoit pas mal ces derniers temps, qui a un peu raté le recrutement de l'an dernier, on se rappelle de Greipel, on va y revenir, et qui, pour la saison 2020, a recruté pas moins de 12 coureurs, avec des noms ronflants, Nairo Quintana, Nasser Bouani, Diego Rosa, Maclay qui revient au bercail, Thomas Bouda, Winner Anaconda, etc. etc. On va voir ce qu'on peut attendre de cette équipe qui, Charles, fait plus World Tour que presque certaines World Tour. Ouais, c'est vrai que quand on voit l'effectif sur le papier, ça fait plus World Tour que certaines formations comme Dimension Data ou comme on a vu Katyusha cette année. Donc la question qu'on voulait se poser, c'est est-ce que la mayonnaise peut prendre ? Emmanuel Hubert nous a habitués, malheureusement, à prendre des mecs qui ne faisaient pas forcément l'affaire, on va dire. Mais après, je ne sais pas, on a vu que Maclay, tu vois, par exemple, a gagné en Chine. Il n'avait pas gagné depuis un moment. Rosa revient à un bon niveau. Donc, je ne sais pas ce que les gars en pensent, mais on peut peut-être espérer quelque chose de très bien pour Arkéa l'an prochain. Mathieu, une équipe qui est armée pour briller sur tous les terrains. Oui, exactement. Ils ont recruté des sprinteurs, ils ont recruté des grimpeurs, des gens qui peuvent jouer le général sur les courses d'une semaine et sur les grands tours, avec Quintana, bien sûr. Après, effectivement, c'est plutôt tous des coureurs qui étaient sur le déclin, on va dire. Enfin, Bouani, voilà, ça fait maintenant 2 ans depuis sa grosse chute qu'il n'a pas fait grand-chose. Diego Rosa, depuis qu'il a été chez Sky Ineos, on ne l'a pas trop vu non plus. Maclay, voilà, il a gagné en Chine, mais ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas vu non plus. Quintana, il a plutôt déçu sur ses dernières années, ses derniers grands tours qu'il a fait. Donc, est-ce que la mayonnaise va prendre ? Est-ce qu'ils vont performer l'année prochaine ? L'année prochaine, c'est la grande question. Après, il y a une certaine logique autour de Quintana avec deux autres Colombiens qui ont été recrutés pour l'épauler et pour qui se sentent à l'aise. Donc, moi, Quintana, je pense qu'il fera des top 10 sur les courses d'une semaine, qu'il se montrera sur le Tour de France, je ne sais pas trop à quel niveau, parce que bon, face à la Ineos et face à la Jumbo, ça risque quand même d'être assez difficile pour Arkéa de vraiment jouer la gagne, on va dire. Mais pourquoi pas un top 10 sur le Tour de France, voire un top 5. Ça va, Greg, soulager grandement également Warren Barguil, sur qui tout reposait. Oui, c'est ce que j'avais envie de dire, c'est que jusqu'à présent, c'est vrai, le coureur phare d'Arkéa, c'était Warren Barguil, sur qui peut-être beaucoup de choses reposaient, c'est-à-dire il n'y a quasiment que lui qu'on regardait. Le reste de l'effectif, y avait des coureurs qui ont déçu, comme Greipel, qui était l'autre grand coureur de cette année. Plus globalement, après, il y a quelques jeunes intéressants comme Rousseau ou Gébert. Peut-être qu'on y reviendra dessus, mais c'est vrai qu'à mon avis, celui à qui ça va faire un bien fou, que maintenant, on regarde beaucoup Quintana aussi. On regardera aussi les résultats de Bouani, notamment, enfin, je parle aussi médiatiquement. je pense, et on sait qu'en plus Barguil, dès qu'on dit quelque chose sur lui, que ce soit sur les réseaux, dans la presse, etc., il a tendance à le prendre très à cœur. Et je pense que ça lui enlèvera un peu de pression et ça lui fera du bien. Et je suis assez intéressé, enfin, je suis assez curieux de connaître leur calendrier et comment Arkea va gérer justement ce calendrier. Sur quelles courses, quelles vont être les courses de Barguil, de Quintana, est-ce qu'on les verra ensemble sur le tour, etc., etc. Surtout que Charles, lorsqu'on parle du recrutement de Arkea, on a tendance à focaliser uniquement sur Nairo Quintana et sa garde rapprochée. Cependant, on peut dire qu'Arkea n'a pas fait l'erreur de se focaliser uniquement sur les grands tours. On a recruté plusieurs coureurs, je pense par exemple à Christophe Knop, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, des coureurs qui peuvent briller sur tous les terrains, et notamment, vu qu'on sait que les victoires se jouent souvent en sprint, récupérer Dan McLay, Thomas Bouda et Nasser Bouhanni, à voir s'ils seront complémentaires, mais ça permet également de jouer sur trois fronts avec un sprinter qui peut gagner. Ouais, ouais, moi j'aime beaucoup le pôle sprint, comme ils l'ont appelé, enfin les coureurs qu'ils ont recrutés autour de Nasser Bouhanni, parce que quand on voit Thomas Bouda et Dan McLay, c'est des coureurs qui peuvent aussi gagner, on l'a dit. McLay a gagné en Chine, Bouda peut gagner sur les Coupes de France et sur les classiques, je trouve qu'on va avoir un groupe intéressant. D'ailleurs, j'aimerais aborder un point, c'est la question qui nous a tous occupés ces dernières semaines, c'est les points UCI pour les équipes Conti Pro. Et quand on voit des mecs comme Bouhanni, McLay, Rosa, Quintana, Barguil, etc., pour moi, c'est des gars qui sont taillés pour faire des points. Parce que Quintana, on peut parler de fail, ou on peut être déçu de cette année. Il y a souvent du Quintana bashing. Mais quand on se contente vraiment que des faits, Quintana, c'est 3 victoires. Mais c'est 2e de Paris-Nice, 4e du Tour de Catalogne, top 10 au Dauphiné, 8e du Tour de France et 4e de la Vuelta. Enfin, je pense qu'il y a énormément d'équipes qu'aimerait avoir un coureur de ce calibre-là dans leur effectif. Donc, enfin, si on aborde un peu cette vision aussi des points, je pense qu'ils sont vraiment très très bien armés en vue de la saison prochaine, quoi. Mathieu, tu parlais de coureurs qui pouvaient être peut-être un peu sur le déclin. Est-ce qu'on peut parler tout de même, en point positif, qu'on va avoir beaucoup de coureurs revanchards par rapport à leurs précédentes équipes, par rapport à leur précédente situation? Ah oui, ça c'est sûr qu'ils sont tout. Il y en a beaucoup de revanches, effectivement. Je pense que sur le premier sprint qu'il disputera, si Bouhanni est opposé à Viviani, il aura à cœur de terminer devant. Moi, j'espère personnellement qu'il terminera devant. Mais c'est pareil pour Rosa. Je pense que Rosa aussi, il est revanchard après 3 ans dans l'ombre, on va dire, chez Ineos où on l'a pas beaucoup vu. Rosa, il peut faire mal aussi en revenant sur les courses d'un jour. Après, je ne sais pas non plus quel sera son calendrier, sur quoi il sera aligné exactement. Mais c'est un coureur qui va, je pense, scorer beaucoup de points, surtout si Arkea l'aligne sur des courses type Coupe de France. À mon avis, il peut facilement gagner. Hein. Rosa, d'ailleurs, dont l'annonce du contrat semble l'avoir surmotivé, puisqu'il a fait une très bonne fin de saison, avec plusieurs places d'honneur, mais surtout seconde place au Mémorial Marco Pantani et la troisième place autour de Guangxi. Mais Rosa, ouais, il faudra voir son programme, comme l'a dit Mathieu, mais si tu l'emmènes sur des épreuves comme le Tour La Provence, même sur des courses d'un jour comme Paris-Camembert ou des courses par étapes françaises un peu difficiles, il peut faire très mal à tout le monde. Hein. S'il a le même niveau que celui qu'il a affiché là en fin de saison, je pense que ça fera du point. Ouais. Maintenant, la question, messieurs, c'est... ça fait plusieurs années que cette équipe déçoit quand même, hein. Le recrutement d'André Greipel n'y a rien fait, mais cette fois-ci, Greipel était seul. Là, quand même, il y a pas mal de coureurs qui viennent d'arriver. Est-ce qu'Emmanuel Hubert est capable de gérer un tel effectif? Je ne sais pas qui veut prendre la parole. Ouais, c'est la facile. Question piège. Je pense qu'il faudra gagner très tôt, moi. Pour Arkea, ça va être ça pour moi la clé l'an prochain, parce qu'on sait qu'ils ont tendance à pas beaucoup gagner. C'est une équipe qui est quand même un peu dans le doute depuis 2 saisons. Il ne faudrait pas laisser passer mars, avril sans avoir des bons résultats au compteur. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, les gars. Mais... Après, ils prennent quand même moins de risques que l'année dernière où c'était un peu tout pour Greipel au sprint. Là, on a dit, il y a Bouhanni, McLay, Bouda. Même c'est Bram Velten qui est quand même quelques 22 ans, qui est plutôt un bon coureur. Alors peut-être qu'il sera un peu plus équipé cette année, mais il y a quand même des possibilités de faire de belles places sur les Coupes de France. Donc quand même, il y a beaucoup moins de risques de se louper que l'année dernière où tu n'as que Greipel. Et si jamais Greipel n'est pas bien, ou s'il n'est pas dans le lot, ou c'est pas son jour, ben c'était foutu. Là, vraiment, il y a quand même moins de chances de se louper. Vu le choix, il y aura toujours, sur les 4, ils vont pas être alignés forcément ensemble. Mais ils vont forcément faire de belles places, parce qu'il y a le nombre, et là, voilà, il y aura un plan B au cas où. D'ailleurs, Mathieu, l'équipe va commencer tôt la saison autour de San Juan. Oui, ils partent dès le 26 février, ils sont à San Juan. Et, janvier. 26 janvier, oui, pardon. Ils partent à San Juan et ensuite ils font le Tour Colombia 2.1, là. Et à San Juan, donc, bien entendu, c'est les Colombiens qui sont annoncés. Donc après, je ne sais pas qui complétera l'équipe, hein, mais probablement, ils vont probablement mettre un sprinter, un ou deux sprinters pour les accompagner, plus quelques équipiers. Et ce sera sûrement la même équipe sur les deux courses. Donc, ce sera l'occasion de briller immédiatement. Donc, pourquoi pas de ramener quelques victoires d'Amérique du Sud tout de suite pour effacer les doutes. Qui défend son titre. En plus, ouais. Oui, en plus. Effectivement. Ça reste une équipe française, Charles. Est-ce que tu vois certains jeunes Français qui pourraient percer dans cette équipe, puisque ben, finalement, l'ossature qui reste de l'année dernière, donc je ne parle pas des jeunes, risque de beaucoup jouer les équipiers, Barguil mis à part, peut-être Igébert également, mais par exemple, les Benoît Jarrière, Romain Leroux, Laurent Pichon, etc., ça risque d'être surtout utilisé à rouler. Je pense, oui. Mais ça peut peut-être d'ailleurs les libérer parce qu'ils avaient une certaine pression les dernières années, parce que vous l'avez très bien dit, l'effectif était assez faible. Donc peut-être que là, ils courront peut-être un peu plus libérés, entre guillemets, je ne sais pas. Ça. Alors, la pression sera plus sur eux, oui, ça c'est sûr et certain qu'eux, ils n'auront plus la pression des résultats, ils seront à accompagner leur leader jusqu'au bout et c'est tout, entre guillemets, c'est déjà pas mal, mais ils n'auront plus la pression de faire des passes. Ouais. Mais pour revenir à ta question, du coup, Ben, moi, j'espère pas mal d'Élie Gébert. J'ai l'impression qu'il franchit les caps petit à petit tous les ans. Il a que 24 ans, donc pourquoi pas le voir bénéficier de l'expérience de mecs comme Quintana, justement, ou comme Diego Rossa pour encore franchir un petit palier. Après, il faudra voir les Grondins et les Louvelles, quoi. Très jeune, hein, 19 très jeune, et 20 ans. Hein. Mais là, c'est pareil, expérience, tu vois. S'ils sont auprès de Barguil, de Quintana, etc., ça peut aider à grandir assez vite, je pense. C'est sûr que dans le peloton, ils vont être plus respectés aussi avec ces gens-là dans l'équipe. Hein. L'équipe Arkea va réellement compter, elle va pouvoir s'imposer dans le peloton. On sait que c'est important aussi. Et peut-être un peu moins sur les Flandriennes. Ah, ils ont pris justement deux coureurs belges. Hein, que, ouais, mais... Pour un peu peser. Oui, pour peser, mais je veux dire... Si on devait donner un point faible à cette équipe, ça serait les Flandriennes, je pense. Oui, clairement, ouais. Clairement, surtout que l'année dernière, c'est que là où Greipel a fait quelques top 10. Mais après, donc, il était urgent, voilà, ils ont pris deux coureurs, de 25 ans, deux coureurs belges, leur petite expérience qui seront présents. Mais c'est vrai que c'est peut-être, oui, tu as raison, leur point faible. Mais après, ils ont des bons sprinters, pourquoi pas, certains vont faire le choix de jouer sur ces classiques-là ou ces semi-classiques belges. Ça ne m'étonnerait pas de voir un Thomas Bouda, par exemple. Un Acer Bouhanni, hein, bien emmené. On sait qu'il y a pas mal de classiques belges qui jouent aussi au sprint. Il peut tenter, hein, aller gagner une belle course. Un Grand Bleu par exemple. Bon, après, il y a Welten, Swift qui peuvent peut-être y aller. Mais sur les Flandriennes dures, oui, je pense que ils vont pas exister. Tour des Flandres 3, etc. Je suis même pas sûr qu'ils candidatent de toute façon. Oui, après, il faut voir quelles invitations ils auront aussi. Bon, ils vont aller sur Paris-Roubaix, forcément. Ça, t'es quand même un peu oui. Obligé. Après, par rapport aux deux coureurs belges qu'ils ont, je pense qu'ils vont tenter d'aller sur les classiques flamandes. D'ailleurs, d'autant que s'ils visent la première place continentale l'an prochain. Quand tu vas sur le Tour des Flandres, tu prends la place de quelqu'un d'autre. Donc même si tu marques peu de points, voire pas, tu empêches certains. Je sais que c'est moche de parler comme ça, mais tu empêches certains de marquer. D'ailleurs, la question va se poser aussi pour la Vuelta. Je pense est-ce qu'ils vont vouloir y aller avec Quintana, qui a l'habitude quand même de doubler Tour et Tour d'Espagne. Le souci, ça va être par rapport aux invitations, vu qu'il y a une invitation de moins. Bon, je pense qu'ils peuvent candidater au Giro, mais vu ce qu'a dit Vénie, je pense qu'ils n'ont aucune chance. mais peut-être que sur la Vuelta, ça peut... avec Quintana, je pense que c'est quand même largement jouable. Hein. Oui, puis il y a moyen de faire une équipe, parce qu'on peut s'imaginer que d'ailleurs Quintana, Wiener Anacona, par exemple, et Diego Rosa ne seront pas forcément au départ du Tour de France. Si on a un peu le Barguil, Buani, Quintana, peut-être qu'il y aura un peu moins d'équipiers dans ce genre-là, et peut-être qu'ils pourront les préserver pour la Vuelta, pour jouer Quintana. Quoi. Ah, vu le parcours du Tour, je pense qu'ils vont, ils vont jouer pour leur leader. Hein. Enfin, moi, je pense, oui. Je suis même pas sûr de voir Buani sur le Tour... Déjà, on va attendre de voir ce que Buani peut faire sur les premiers mois de la saison. Voilà. Parce qu'il part de loin, lui aussi. Oui. C'est quand même, à mon avis, la saison, enfin, ou jamais pour Buani de se relancer. Parce que sa Cofidis est mal terminée, soit au niveau des résultats ou même enfin, au niveau du relationnel. Ça a été très compliqué pour lui. Donc, on lui souhaite vraiment de retrouver le vrai sprinter. Et même, entre guillemets, même un Buani en grande forme, je ne suis pas sûr est-ce qu'il va faire le choix du Tour de France. De l'aligner sur le Tour de France. Ou la Vuelta, ouais, où il a déjà gagné. Voilà. Peut-être que c'est plus facile la Vuelta, on est visé la Vuelta, que penser directement au Tour. Vu surtout l'effectif qu'ils peuvent aligner sur le Tour et vu le parcours du Tour, qui est quand même un peu compliqué. D'ailleurs, une question, les gars, pour Buani. Est-ce que vous ne pensez pas que ça pourrait être une bonne idée de l'emmener en Amérique du Sud, hors pression, enfin, loin de la pression au début d'année, pour lui permettre de débuter tranquillement? Moi, je le verrais plus se préparer pour les premières épreuves en France avec un vrai train et plus laisser Maclay, par exemple. Ils peuvent en prendre plusieurs, hein, parce qu'il y a souvent pas mal d'étapes pour les sprinters. Donc, pourquoi pas, oui. Bon, oui, bah, il avait l'habitude, les années précédentes, il démarrait souvent soit en Espagne, soit à Dubaï, à Oman. Donc, pourquoi pas en Amérique du Sud pour Buani. Effectivement. Messieurs, une dernière question pour clôturer cette présentation, avant que vous ayez d'autres choses à dire. Quel sera pour vous, alors pas seulement sur le recrutement, sur toute l'équipe, le top et le flop? On commence par Greg. Je prends le top Barguil. Barguil faire un grand Tour de France. Parce que c'est un parcours qui lui correspond vraiment. Le contre-la-montre va pas l'handicaper, donc je vais faire un grand Tour de France. Après, un flop, ben, pour l'instant c'est bizarre, je vais être optimiste pour eux, mais difficile à dire. Difficile, Charles, de voir un flop dans cette équipe. En top, je vais mettre Quintana. Je le vois faire une saison un peu comme celle-ci, en fait, avec beaucoup de top 10 sur les épreuves du World Tour. Je pense qu'il aura un calendrier essentiellement World Tour, enfin hors le début de saison. Et en flop, c'est marrant, tu m'aurais posé la question en début d'année, là, je t'en aurais donné une dizaine, mais là, j'en vois pas, tu vois. Enfin, je vois pas qui peut se planter, parce que si Maclay se plante, par exemple, est-ce que ça serait vraiment un flop? Non, parce qu'on n'en attend pas non plus 10 victoires dans l'année, pareil pour Bouda, donc non, je vois pas, franchement, je vois pas. Est-ce que Mathieu va réussir à trouver un flop, mais un top, est-ce que tu en as un? Allez, en top, je vais dire Rosa, que je vois bien remporter pas mal de victoires cette année. Et en flop, j'avais envie de dire Maclay, mais effectivement, on n'attend pas grand-chose de lui. Et je pense que Maclay, il a plus été recruté pour faire le poisson pilote, en fait, plutôt que de jouer sa carte personnelle. Enfin, il la jouera forcément par moment, mais je pense qu'il a plus été recruté pour être le poisson pilote de Buani ou de Bouda. Après, en flop, moi j'aime beaucoup Buani, donc j'ai pas envie de le citer en flop, mais je pense que lui qui aura peut-être le plus de mal. Je vais le prendre, Buani, un possible flop, parce que il a fait quelques places d'honneur en juin, mais ça fait tellement longtemps qu'il a pas scoré, c'est-à-dire une victoire. Cette chute semble avoir, au-delà de la relation terrible qu'il y a eu avec Vasseur. Je ne sais pas quelles ont été les véritables conséquences physiques de cette chute. Donc s'il fallait en citer un, je le citerai à lui. Et en top, je dirais Barguil, qui devrait être reboosté par l'équipe qu'il a avec lui. Il a toujours été plus fort qu'il avait un leader avec lui. Donc à voir. Maintenant, c'est vraiment une équipe qui me tarde de voir évoluer. Sur les mois de 2020, messieurs, une dernière chose à ajouter ou pas? Non, moi juste dire que je les vois premier du classement Conti Pro l'an prochain. Oui, si ça se passe bien, il n'y aura pas de soucis, je pense. Encore faut-il que ça se passe bien. Exactement. Bon, mes réponses dans les mois qui viennent, messieurs. En tous les cas, bonne soirée à tout le monde et à une prochaine émission. Au revoir. Salut tout le monde. Au revoir. Bonsoir.